l'émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Rof. C'est Rof, notre invité toute la semaine pour cette dernière. On est à 7 jours du concert, premier concert du PDRG Tour la semaine prochaine du côté du Zénith de Paris. Comment ça va? Très bien, très bien. En pleine forme, prêt, chaud. La pêche, forme olympique. On est bien. Dans une semaine, voilà, tu seras dans les couloirs du Zénith de Paris. Ouais. Juste avant de grimper sur scène. Ouais, Inch'Allah. Ouais. Il y a une première partie ou pas pour ce concert? Ouais, bien sûr. On a prévu une première partie. Ouais, j'ai décidé d'inviter quelques rappeurs, 4 rappeurs, 4 nouveaux rappeurs qui déchirent, qui sont très jeunes, qui démarrent leur carrière. Et voilà quoi. Ils sont passés dans mon petit concept là que je suis en train de développer en ce moment là sur mon Facebook, c'est PLS, ouais. qui signifie certifié par la street. Et puis si vous suivez ça de près, bah voilà, qu'on leur donne la force, met de la lumière sur eux. Et puis voilà, tout, ainsi que tous les rappeurs qui le méritent. Et bon, voilà. On les retrouve. Donc, ils vont ouvrir le bal. On les retrouvera ce soir aussi en live dans l'émission. Ouais. Avant la fin de l'émission, avant 21h. Voilà. Ce soir aussi, beaucoup de sons de Rof, justement. Pour pas louper ce concert, c'est plus de 15 ans de carrière sur scène qui débute donc le 11 avril dans une semaine au Zénith de Paris. Rock Jeans a prévu un petit medley qu'on pourra écouter aussi dans un instant. Et là, on débute comme chaque soir avec l'Oseille sur Skyrock. ISF, taxe foncière, SDF, sans difficulté financière, ROH de Zeb, l'homme d'affaires au stylo magique, qui fait passer des HLM au quartier chic. Donne-moi le micro, j'en fais une pompe Afrique. Comme Mélanie, je vise aide humanitaire en Afrique. L'art de manier le fric, hein, c'est magnifique. Je garde le goût de comptoir, rien à foutre dans Caraïbes. Les millionnaires savent ton Beyoncé. Les milliardaires que je connais ne savent pas danser. Les jaloux pas, va trop pioncer. Je leur souhaite les biens de Jay-Z aux sœurs, les parures de Beyoncé. Et traverser la planète en jet mallette, liasse violette. S'il pleuvait des pièces, on aurait tous mal à la tête. No pain, no gain, dans cette crise universelle. Gardons la foi en toute dignité, faisons de l'oseille. Je me réveille, mon réveil c'est l'oseille. Je cours après l'oseille. Je cours après l'oseille. Je cours après l'oseille. J'attends la fin du mois, le lendemain de ma paye. L'oseille. Je cours après l'oseille. Je cours après l'oseille. Je cours après l'oseille. Parler de sous en France c'est un sujet tabou. Puis je viens, on aime l'argent facile comme les marabouts. Chez nous les gourous sont escroqués. On toucherait la côte rep en jouant les estropiés. Le monde est la pomme qui me tarde de croquer. Pensez aux pauvres, le gaspiller vos thunes à vous droguer. Pour la santé, représenter. Ce qui est rare et cher, mais le prix que je commence à chanter. Time is money écrit sur ma chopard. Je dors dans le luxe avec un cœur de clochard. Pareil que la misère et moi frileuse au soleil. L'hiver est glacial sur la tête de mes orteils. Donc je me réveille, mon réveil c'est l'oseille. L'oseille. Je cours après l'oseille. Je cours après l'oseille. Je cours après l'oseille. J'attends la fin du mois, le lendemain de ma paye. L'oseille. Je cours après l'oseille. Je cours après. Veux-tu être ma cavalière tonight? DJ Rock G. J'ai claqué mes sous, baby. ROH2Z pour vous tonight. Chaque jour que je fais, je dois faire de l'oseille. La nuit m'empêche de dormir avec ses conseils. On veut tous en sortir, du moins on essaye. Métro, boulot, dodo, de Monday à Friday. Joyeux Noël, happy birthday. Bonne année, fauché au réveil. Rentre chez toi, joue à la play. On claque, ta paye sur une bouteille. Ils ont monté le prix du diesel. L'oiseau est sorti de sa cage, on l'a coupé les ailes. La vie a moins de goût que la mer sans sel. Gardons la foi en toute dignité, faisons de l'oseille. L'oseille, je cours après. L'oseille, je cours après. L'oseille. J'attends la fin du mois, le lendemain de ma paye. L'oseille, le monde court après l'oseille. L'oseille, je cours après. La seule chose qui me fait courir. L'oseille, je cours après. L'oseille. être ma cavalière tonight. Je vais claquer mes sous. Pour vous tonight. Yeah, H2F, c'est Skyrock. Hein. Je jure que Dieu fait, on doit faire de l'oseille. C'est l'oseille, c'est extrait de PDRG, toujours dans les bacs, le double album de Rof et le PDRG Tour. Début de la tournée dans 7 jours maintenant, le 11 avril du côté du Zénith de Paris, le 19 Zénith de Lille, le Zénith de Nantes le 20 avril, 25 avril au Transbordeur de Lyon, le 26 avril au Zénith de Strasbourg, 2 mai au Dôme de Marseille, 16 mai à Caen, le 28 mai au Zénith de Montpellier, le 30 mai aux Arènes de Metz. À pas louper cette grande tournée de Rof qui pourra même d'ailleurs se prolonger par la suite. Hein. N'hésitez pas à rester au courant des différentes actus. Ce soir, on a dit aussi qu'il y avait un petit medley, c'est ça Rof? Ouais. Tu mets de l'air, on est bien obligé. Mmh. On essaie de passer le maximum de sons. Parce que voilà quoi. Une grosse, une grande discographie. Et c'est ce que tu comptes faire peut-être aussi sur scène, parce que forcément du medley. J'ai pas trop le choix de toute façon. Si tu joues tous les morceaux. Je veux vraiment en donner pour tout le monde. Mmh. Je fasse des medleys. Il faut qu'il y ait un passage medley à un moment. Séquence classique. Et d'ailleurs, cette séquence-là, c'est un moment fort du concert. Bon, et puis il y aura du live avec Certifié par la Street tout à l'heure. Ouais. À pas louper dans l'émission. Qu'est-ce qu'on fait? On met le medley maintenant? Attention, hein, c'est PLS n'est pas un groupe, hein. C'est un concept. C'est un concept, oui. C'est un concept sur ma page Facebook où je mets de la lumière, je donne de la force à des nouveaux rappeurs qui arrivent, qui déchirent. Voilà, les gens de rappeurs que moi j'apprécie, ils ont la dalle comme moi à mes débuts. Mmh. Tu vois? Et puis voilà, j'espère que derrière ça, voilà, la chance va leur sourire, tu vois. Comme qui par exemple des portes. Tu t'as mis en avant. Comme Caïs, comme Mike Lucas de Vitry, comme Bozy de Sarcelles, tu vois. Et plein d'autres qui arrivent. Ouais, c'est pas le groupe certifié par la Non, c'est pas un groupe, c'est un concept. Et tous les rappeurs qui déchirent et qui le méritent, voilà, vous préparez une petite vidéo et Inch'Allah que, voilà, si la chance vous sourit, vous. Si, vous pouvez faire parler de vous sur ma page Facebook. Et bon, on les retrouvera. Faire un buzz. Ceux que t'as cités, on les retrouvera en live dans l'émission. Et là, on donne la force, on partage, gros. On part pour le medley maintenant? C'est sur medley, t'es prêt, Rock G? Ouais, il est bouillant, c'est parti maintenant. 15 ans de carrière sur scène, ça donne ça aussi avec Rof qu'on écoute maintenant. Ouais, toi qui m'écoutes là. Classique. Qui a le message? Qui est l'exemple? Moi, je vais te dire la vérité. Ne faut pas déconner, je suis pas au rebondé. Classique. Faut pas déconner. La fesse pas tu me connais. N'est pas la rétonnée. On sait que j't'ai trop connu. Passer sa vie à zoner. Un cahier consommé. On peut pas cautionner. T'es pas raison d'adonner. J'ai grandi en banlieue. Je peux lire la routine, l'amertume à travers la rétine de mes yeux. Parmi les victimes du système, je suis le narrateur du pourquoi. Ce mode de vie, on en connaît tous la cause. Et bon, voilà quoi. Faut faire quelque chose pour nos rejetons. Et si je t'en parle, parce que nos mères, on les jetons. Avis à la génération bouton, 10 à la vingtaine, tourne le bouton. Faites attention aux messages très importants. Considère ces informations comme une alerte. Toi qui es en pleine formation, avant que mon pouce soit déclaré inerte, qui m'incombe d'éviter de courir droit à ta perte. On se met blessé d'illusion, la plaie bien ouverte. En plus de la télévision et l'influence que porte le mauvais exemple. Bitume l'engrenage, est plus en plus. Mais qui est l'exemple? Est celui qui s'instruise, détruit en séjournant en tôle en faisant du mal à autrui. Mais qui est l'exemple? Celle qui s'instruise, détruit en pensant qu'à se divertir, mec, et boîte de nuit. Kelly a big up. Qui est l'exemple? Qui fait plaisir, photo. Uh-huh. Il y a des moments qui font plaisir. Ça tue quand t'obtiens ce que tu désires. Quand on semble à Bruxelles, ça fait zizir. Un oasis dans le désert. Quand tu sors de la zézère, il y a tellement de choses qui font plaisir. Ça aurait été mieux si on pouvait choisir. Enfin, touchable, ça fait zizir. On s'échappe, on a une chance pour la saisir. plaisir qu'on desserre les menottes. Ouais. Donne un dessert à tes mômes, qu'on y ramène des bonnes notes. Qu'elles sont bien orientées. Ça fait zizière quand Zizou nous fait un contrôle orienté. Dans le public, connaît mes textes par cœur. Ça fait chaud au cœur. Ça me donne envie de sauter dans la foule comme un rocker. Ça fait zizière quand je vois que t'as pensé à moi. Et que tes parents restent inséparables comme des siamois à moi. Quand tu stoppes la clope, l'alcool, la coke, le pops. Quand un keuf c'est du nez à la salle de boxe. Easy. Quand t'es pas jaloux de ma caisse, tu la rayes pas. Quand t'es papa, avec mon broly qui s'enraye pas. Ça fait plaisir quand t'es loin du bitume, la deux mères. On sont au soleil, on scoute en deux mères. Quand tu rends service sur un attendant retour, ça fait zizir. Quand ils font la peinture de nos tours. Carré James, ça fait plaisir, ça fait réfléchir. Rob, ça fait fléchir, ça déchire. Voir mon pote franchir le portail, la maison taille. Se barrer, se marier, voir sa mère se marrer. Les gens qui font plaisir, ça tue quand t'obtiens ce que tu désires. Quand on semble à Bruxelles, ça fait zizir. Un oasis dans le désert, quand tu sors de la zézère. Y'a tellement de choses qui font plaisir. Ça aurait été mieux si on pouvait choisir. Prends un touchable, ça fait zizir. On s'échappe quand t'as une chance, faut la saisir. Y'a tellement de choses. Big up DRY. Zizi. Classic. Pour la providence, je viens innover, faire des lovés. Toute évidence, faut marquer pour voir la foule se lever. Des profits de brevets, diplôme, ni CFA, ni BAFA. Ni CAP, juste baffé à travers les BAFA, sale fée. Je viens d'en bas, je crache à mon art, en mon art. Je maîtrise mon art de zonard, plus d'une flèche à mon art, connard. Je connais plus de tricheurs que de gens honnêtes, des dollars, des fumeurs. Faites des mecs qui vont se faire fumer, des présumés tueurs. Mon son tue, fait de l'oseille, éveille les frères dans la mer. Les tournesols s'ouvrent au soleil, les fleuves jettent dans la mer. Le chant de la survie, traumatise ta chaîne, ni vie. Trop de son pour une vie, trop garçon. Pour une fille, tu me sens que tu me oula, oula. Je connais déjà, t'inquiète pas, j'suis là, j'suis là. Fun, si on dit qu'on est fun, tu dégonnes, dégonnes. Tu me sens que tu me oula, oula. Yeah, t'inquiète pas, j'suis là, j'suis là. Yeah, comme un gun, on dégonne, dégonne. J'accélère. 11 avril, au Zénith. Paris. J'ai galéré grave, sois content pour moi, wesh. M'empêche pas de sel, je vais t'empêcher de yes. Territoire marqué, du collège à la calèche. Frotté au béton, j'en ai encore la peau rêche. Galage poésie, l'expression du malaise. Le chaos vient de la droite, ma gauche vient pas de Corrèze, François. Amène les CRS, ou ça je nuis qui est vendu. N'essaie pas de te racheter, t'as dû, j'ai vendu. Nous on fait des sous, eux ne pensent qu'au cul. J'ai piné quelques filles, bien le reste, je m'en rappelle plus. Fuck le turfu, je demeure invaincu. Mon savoir est une arme, je mets jamais la sécu. Arrivé au summum, j'essaye de devenir un meilleur homme. Si j'y arrive pas, ma liche, donc je suis un bonhomme. Je parle de digne de rue, de meuf archi bonne. Pour là, ils ont mis que Tupac me pardonne. Que tu parles de moi, mais j'accélère. Ils ont les yeux sur moi, donc j'accélère. Les gens comptent sur moi et j'accélère. Tu prends beaucoup sur moi, mais j'accélère. Fais-moi Zénith, 11 avril. Moi les yeux rivés, ma toile est tissée. Ce qui est fait, fait du bien du mal, je suis métissé. C'était ta affaire, j'aurais récidivé. J'espère mourir propre cette vie, moi bien lessivé. À qui dois-je plaire si ce n'est au tout puissant? Rien à foutre du dicton, au bonheur je peux faire le bifton. Rouchons mes cartons, je veux pas quitter terre. Comme un évin des prisons, je reviens toujours vers mes repères. J'ai émergé sur l'île de France, l'île de la tentation. Vendredi à vendredi, j'y vis comme Robinson. J'ai kidnappé la gloire, j'ai mangé la rançon. Dangereux star, le plus bouillant de la constellation. Mon grain de beauté, l'œil du cycle. Le portail dans la mosquée, le dixième dans un strip club. Je parle de dîmes de rue, de meuf archive. All eyes on me, que Tupac me pardonne. Mais tu parles de moi, mais j'accélère. Tous les yeux sur moi, donc j'accélère. Les gens comptent sur moi et j'accélère. Tu prends beaucoup sur moi, mais j'accélère. Fais-moi rire. Tu essaies de nous rattraper. Alors en mode j'accélère, bro. En mode. En mode je rappe mieux que toi, en mode gros son. Au même caractère que moi, en mode je rappe trop bien. Mais c'est que flow, nique les MC, ouais je vous ai combien. En mode studio, en mode envie, manger le micro. En mode micra, ma pipe à la TV, ma voix à la radio. En mode album de Gueda, au Pida, Spanoda. Je suis venu on monte en mode numéro 1. Reconnaissance est nôtre, c'est pas un autre train. Spiff, des rats et un train pour cacher un autre train. Je suis en mode meilleur, balayeur, Delphi. Mardi, si je suis en mode envie de m'arracher ailleurs, j'ai le power. Pendant d'autres affiches, ma tête à l'affiche. J'ai des fans qui crient de Tisha, en mode official. Ne pousse pas tuer, je suis en mode chiche. Je suis plus de la chiche comme ton père, je suis en mode chicha. En mode guerre, car peu en mode recueil. Trop en mode orgueil, dont trop de frères en mode sexuel. Trop de mères en mode deuil, trop jaloux en mode jet lag. En mode haine, ecstasy, bête dans les narines. Prends les arts en mode en bas des tours. En mode illicite, cochise, fatigué par le shit. Les gars, sur Z. En mode cacheton, boulette. En mode viol, en mode évasion. Pendant les fêtes, les pointeurs en mode viol. Maton en mode bâtard. Ouvre la porte et gaz les potes en mode mitard. Casse un zinzin, que speed, 9ème. Tous en mode arrogant, yeah. Comment veux-tu qu'on s'entende? On veut tous des thunes et des meufs en mode consentant. On les met en mode cowboy, solitude. On les détenus en mode branlette, lift de huge. J'en mode 9-4, j'en mode t'inquiète. J'en mode 4-4, j'en mode mitraillette. J'en mode Soso, Ralilou, t'inquiète, j'en mode 4-4, j'en mode Robert. En mode, en mode, en mode classique, gros. En mode, en mode, j'en mode, j'en mode. Pour les frères, classique de Rof à l'instant, première session, puisqu'il y aura une deuxième session dans un instant avec Rock Gio Platine. On remettra ça dans quelques minutes pour cette grosse session mix, avant de retrouver aussi du live ce soir dans l'émission. Ouais. Ça t'écoute ça, vous allez être bien au Zénith, hein, avec écouter aussi tous ces morceaux sur scène. Il y avait à l'instant donc le en mode pour finir cette première partie de mix. On va revenir aussi dans un instant avec Rof, session live, va pas louper. On vous attend au freestyle de Planète Rap. Bougez pas, le retour de Planète Rap, c'est après ça. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Rof qu'on va retrouver dans un instant. Medley du live aussi à pas louper. Puis aussi une bonne nouvelle, puisque dans une semaine c'est le concert, le début de la tournée Zénith PDRG Tour avec Rof. Il va passer aussi par Nantes, par Marseille, par Metz. Et un bon plan avec l'application Skyrock, l'application qui s'appelle Skyrock Cashback par exemple en ce moment. Il faut en profiter. Si vous achetez une place pour les concerts de Rof, il y a 5 euros remboursés qui tombent directement sur votre compte. Donc n'hésitez pas, 5 euros remboursés sur l'achat aussi de suite distinct, 15 euros sur l'achat d'un blouson distinct. L'application s'appelle Skyrock Cashback. Vous allez voir, il y a plein de promos tout au long de la journée, tout au long des semaines. Il y a plein de choses. Si vous voulez aller frais au concert de Rof, il y a une opé en ce moment avec les gels Viveldop, une partie remboursée qui vous tombe directement sur votre compte en banque. Allez faire un tour, téléchargez l'application Skyrock Cashback. On revient dans un instant. Rof, notre invité sur Skyrock. Bougez pas, c'est le Planète Rap. Et c'est le retour dans quelques minutes sur Skyrock. Toutes vos messages aussi, hein, avec le hashtag Rof sur Skyrock. Les messages au 41-759. On revient dans un instant. Une tablette à gagner. Comme toi, Rof a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap consacré à Rof cette semaine entre 20h et 21h dans Planète Rap, avec une session mix. Tout à l'heure, là, on a une grosse session mix. Ouais, elle fait du bien. Elle fait du bien, celle-ci. Ouais, et elle fera du bien aussi sur la différente, sur les différentes dates de la tournée. C'est dans une semaine le début de la tournée du PDRG Tour, le 11 avril au Zénith de Paris, vendredi prochain. 19 avril au Zénith de Lille, le 20 avril à Nantes, le 25 avril à Lyon, le 26 avril à Strasbourg, le 2 mai au Dôme de Marseille, le 16 mai au Zénith de Caen, le 28 mai au Zénith Arena de Montpellier, et au 30 mai et le 30 mai aux Arènes de Metz. On va repartir sur une session maintenant mixée par Rock G. C'est lui qui a pris le contrôle des platines, qui vous offre tous les classiques de Rof mixés sur Skyrock entre 20h et 21h. Ouais, tranquille. On est reparti. On va une petite séquence aussi pour les demoiselles, pour les dames. Et puis il y a du live qui se prépare avec ton concept certifié par la street. Ouais. Avec différents artistes qui vont se relayer dans un instant et qui seront on présents. On donne la force à ceux qui le méritent. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour briller tout seul. T'inquiète pas, on va vous donner de la force. Et là, on t'écoute maintenant le medley de Rock G, deuxième partie, la suite dans Planète Rap. C'est parti. Entre le trône et la boule, y'a ma bite qui sais pas. Ha ha des bars, à qui tu ne compares. Sont au bas lourd, ça c'est du lourd. Les zoulous bouchent les oreilles tellement c'est douloureux. En mode spatial, leur enfant c'est en orbite. Les MC ont la bouche trop petite pour mon gros beat. Les punchlines arrivent vite, tu le suspens. Si tu me liquides, je me disperse en milliards de cents. Pied au plancher dans ma peine, rajoute du sub. Et t'es un, c'est ton ball burn. Sur mes coups de sub, fais chaud, je passe mon buzz. Testé pour ces valseuses, pas testé par les crasseuses. Testé par les crasseuses. Mon blabla blaze, efficace en face à face. Vu d'un flot dans mon cul, la haine qui fait déborder la face. La claque, la classe, recherchée par les tatatas. Je me déplace que pour des gros casques, 9-4 dans la claque, la classe. Comme je porte mes couilles, sinon t'es pas un homme. Girl, prends un chewing-gum avant de parler un bilum. Mec, prends un barbale, j'ai mon parabilum. Les cœurs me vivent, me fouillent, ma crimine. Parle de bonhomme. Eh, tous les poulets du 9-4, gros. J'entre 5 étoiles et 9 mètres carrés. Paré aux situations auxquelles t'es pas préparé. Assume ce que tu es, quitte à te faire tuer. Fais de l'argent et en sorte que les gens ne sachent pas où tu es. C'est quelle heure il est sur ma LV. Me compare pas à ceux qui n'ont même pas le quart de mon CV. T'as pris mes armes pour me caler avec. Je les ai déchargés, tu peux te tuer avec. Je jette une grenade dans les forums et leurs sectes. J'ai tué leurs gourous, les chats les insectes. Là les restes, les mauvais garçons dans tes yeux. VIP entouré d'avions dans tes yeux. Prends la glace de la queue blanche dans tes yeux. Big up DJ Abdel. Dans la plaza, qu'est pas ça? Ouh là là, mais c'est quoi ça? Sortez les calculettes, elles sont des gros chiffres. Allez, jouons ensemble, tu comprends pas ces tarifs. Je veux pas qu'on joue ensemble, associable comme mon fils. J'attends aucune reconnaissance du showbiz. Le rap est trop pisse, le mien sont pitié. J'ai mon plan, roman comme l'architecte qui a construit ton quartier. Kamikaze comme les jambes sur le rapport. Mon stylo s'affole comme les aiguilles de mon tableau de bord. J'ai poussé mon premier cri en pleine nuit sous l'équateur. Ma vengeance est fraîchement sortie du congélateur. J'ai qu'un visage plutôt révélateur. J'ai beau être des rateurs, je peux pas aimer tout le monde, j'ai qu'un cœur. Ils ont peur, je vais les traumatiser. Veste de fou dans une bergerie quand je roule sur les Champs-Élysées. Fier, trop vrai. Plus t'es cher de la classe. Nanterre. Ni ton boule, ni ton osé. Ni ton boule, ni ton osé. Le matin, la grande classe. La classe. J'suis en mode avec les refrains. T'es au bout de la rue. La classe, la classe. On sera libre, beau frais. Numéro 1. Comment rien, mon guerre de lettres. Mon osé sur mon front, c'est mon bled. Le monde sera à toi quand t'auras coupé ma tête. 4 étoiles plus moi, ça fait 5. T'inquiète, Bagneux n'est pas loin de VUTR. Seuls les vrais peuvent m'accrocher. C'est le temps Paris coché. On a pété une case et la street l'a coché. Si je vais te coucher, mon casier pour me torcher. J'ai pété une case et la street l'a coché. 10 ans d'avance, 3-30, ils seront jamais prêts. Garde mes fans près de moi et mes suceurs encore plus près. Ils ne cessent de rajeunir, on me prend pour mon petit refrain. Bientôt pour mon fils, j'ai incroyable mais vrai. M Coubois, Family, Industrie. Frère aîné tient les ficelles, même celles de ton screen. Girls me réclament, rêve de moi comme du sac Birkin. Fils de polygame, j'marie toi et tes fraîches copines. J'hiting, j'transforme un chameau en Aston Martin. J'fais tourner le pouvoir et le reprend comme Poutine. Le peur chercher du game, 1 million d'euros la prime. Ma gauche te surine, ma droite te supprime. Hétérotextuel, les autres s'enfilent. Mes flots sont contagieux, les rappeurs se les refilent. J'éteins les étoiles, allume les altérophiles. Pas blanc comme Bruce Lee, t'es mort dans le film. Ils sont mon front, c'est mon bled. Le monde sera à toi quand t'auras. Eh Marcel, tous les Comoriens, big up. T'inquiète, Bagneux n'est pas loin de VITRY. Seuls les vrais peuvent m'approcher. Sur le temps Paris coché. On a pété une glace et la street l'a coché. Même si je vais te coucher, c'est pour me torcher. J'ai pété une case et la street l'a coché. Mystère et Glove, on termine toujours mal. Le charme nous fait décoller, mais on atterrit toujours mal. des façons m'aimer, y'en a pas 50. Soit tu m'aimes à la folie ou tu aimes mon compte en banque, mademoiselle. J'ai plus la cote que mon oseille, mieux qu'un jean slim. J'vais mouler ton cœur si tu m'essayes. Celles qui l'ont fait n'ont pas l'air d'avoir digéré. Faut gérer quand l'amour prend trop de poids, on finit par se déchirer. À trop se désirer, on prend plus le temps de se plaire. La canicule laisse toujours présager des éclairs. On sape le meilleur pour dire le pire. Les mots dépassent les pensées, plus on y croit, plus ça empire. Trop faux pour être vrai, entre trahison et blessure. Trop beau pour être vrai, trop classe pour que ça dure. Parti d'un petit regard, texto, lol to lol, resto, sexto, love to love. Maintenant Indila, t'es invité au mariage du plus frais et de la plus fraîche. En mode oriental, palace, Dubaï, Marrakech. Bugatti, Bentley, dans le cortège. Porté par la pègre, bébé, que Dieu nous protège. Fuck mon ex, mais c'est sortilège et le cœur lège. Les anges nous enveloppent, avons ce privilège. Prends ce billet de 500 pour essuyer tes larmes. Ta robe tue, elle est aussi blanche que mon arme. Ton mari vient de la rue, le costard taillé par une lame. On l'appelait déjà monsieur, demoiselle, devient une dame. T'es plus une gamine, s'appelait clubeuse de copine. Orgueilleuse, bousillée à la nicotine. Fais-moi confiance, tiens mon code PIN. Si tu me réveilles pour prier derrière moi, je dirai amen. Tu veux un enfant de moi, faut que t'en restes digne. Pour les jours où notre mariage aura une sale mine. Indila, Scalp. Zao, big up. Fais doucement. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Faut faire doucement. On n'est pas tous dans. Doucement. Mais pourquoi doucement? Fais doucement. C'est ouf, non? T'as le duo qui fait bébé qui yeah. Fais ça haut pour t'émerveiller. La routine, un cauchemar, faut les réveiller. Pour faire doucement, on va les effrayer. Yeah. Prends pas la rage comme une dent carrière. Ça fait un mois que je te pine, tu veux déjà te marier. La cuenta n'a pas fini de te faire craquer. Comme l'état n'a pas fini de te faire craquer. Trop d'insolence au parquet. Prends l'argent sans violence, on va pas braquer. C'est pas draquer, tu vas au taquet. Mon fou est bourré, moi je vais pas blaguer. On remet ça après ton rétablissement. C'est pas ton show dans notre établissement. Je sais que t'es pas méchant, respecte les gens. Y'a rien à gratter ici, sois pas exigeant. Doucement les coutrins et les calines. Doucement le string, t'as encore un bruit de gamine. T'es trop costaud, doucement les amphétamines. T'as les narines de King Kong sous cocaïne. Yay, yay. Bled. Fierté, mon pote. Assis sur l'arc de triomphe. DJ Kor, Jebelek, Raembi, big up, Bondi. Bah, Escalp. Yeah, poto, qu'est-ce qui se passe? C'est Raembi Fever. Le Bled, Ewa. Scalp. Ewa, je sais, moi je m'en fais pas, m'en fais pire. Wesh comorien, comorien, Asma, Houya. Big up à tous les maghrébins, tous les maghrébines. Comorien, comorienne. J'ai grandi entre Mohamed Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président. Ça coule dans le sang comme dans le sang, pensant. J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vis, ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on croit pas mal les dieux rares. Réputation sternise, c'est que des meurs qui font bras. On s'éternise, pas le drap, pas ton délire et on t'admire. Tu menaces, pas après, j'en irai. Vivant, lipide, faut en garder l'espoir. Comme nos grands-pères entre Merlin, on défend l'histoire. On s'en bizarre, les clés qui entrent, pour ceux qui quittent leur famille. sanglots rentrent en France. On les dit là-bas, les Sokovia. T'as la fli, c'est que le chef des chefs, il s'appelle Hasli. Easy. Classique. Abdel, y'en a trop, y'en a trop, gros. C'est pour ça qu'on est numéro 1, gros. On est les meilleurs, gros. Derrière de 4 saisons TK. Pour les bonhommes qui passent les 4 saisons TK. Sur un bon son funky, j'dors dans la recti comme un funky. On sort les Saint Dimitri pour classique royal. Pour les mecs à Bégri loyal. Prof avec Oliver Chétan. On me force pas à boire l'alcool. La Chétan. Pour les cousines qui se lâchent sur la piste comme des gitanes. J'rigole, j'détonne, j'détonne, j'détonne. À l'ancienne, fais un petit tour sur toi-même en te mordant les lèvres. Pas comme au lit, faut pas faire le lièvre. Répère, prends ton temps. Samedi soir, tout le monde il est beau. Tout le monde il est content. Que les balances restent assises. Pour ceux qui parlent mal au keuf, les mâles dominants qui font craquer les meufs. Grosse liasse de billets verts. Pour celles qui taffent pas les miches, donneuses, gratteuses de fer. Pacifique avec un revolver dans la caisse au cas où. Y'a trop de videurs qui jouent les voyous. Oliver Chetan. RIP. Zénith, 11 avril, gros. Pour vous. T'es à moi. Oh. Amel Ben. T'es à moi. Oh. T'es à moi. T'es à moi. Oh. T'es à moi. T'es à moi. Oh. Je connais la femme car je sors d'elle. Quand son mec a la cote, elle paraît moins sûre d'elle. A rassuré un besoin obsessionnel. Son humilité et sa douceur font d'elle une femme exceptionnelle. Quand un homme est bien à la maison, dehors il est le meilleur. Aucune raison pour lui d'aller voir ailleurs. Si, si. Le silence est pesant, enfermé dans ce bunker. Espérant que les larmes t'ont lavé de ses rancœurs. Passionnelles sont les crises, ne menace pas de faire une bêtise meurtrier. J'ai tué le temps et tué ma complice, ne regrette rien. Quoi qu'il advienne, le destin nous sépare toujours pas et veut qu'on s'appartienne. T'es ma number one mahlel, ma compagnie aérienne. Comprends-moi, les rois sont faits pour tenir les rênes. Yeah, je vous tourne les pages d'un livre qui commence par la fin. Comment faire marche arrière, ce genre d'amour n'a pas de frein. Tu es mon number one, je ne calcule plus personne. Mon cœur je te le donne, tu es l'homme qui me vaut. T'es à moi. C'est l'homme qui me vaut. T'es à moi. Oh, tu es mon number one, je ne calcule plus personne. Mon cœur je te le donne, tu es l'homme qui me vaut. T'es à moi. Venez nombreuses au Zénith. On vous attend. C'est de la pompe à essence d'hybride. Et du cassos dans la nature. Ok. Et on finit en beauté, Ray. Ça va tirer. Ça va brûler. On va brûler le Zénith, gros. Promis. Si c'est Hels. Premier sous le Hebs. Plus proche du ghetto que la Hesse. En mode tapage nocturne pendant que le rap français la Hesse. J'ai une charge de CRS. Sauf qu'il peut. J'ai le pouvoir de faire ce que je veux. Je crache mon son dans tes oreilles et m'essuie dans tes cheveux. Responsable à ta sono comme le feu à ton joint. La ville crame sous les yeux du maire et son adjoint. Je suis dans le coin. Ma salive de l'essence, ma langue imbriquée. On avance comme un féfé avec les couilles débridées. C'est direct comme un tousquet. Pas le temps de s'échauffer. Pendant les préliminaires, le feu de l'enfer. Les frères au Hebs. Faut amortir. Si je te brûle pas et tu meurs en mars. Péter ça par la fenêtre. Le plus gros coup, c'est l'assurance avant de partir. Mange ta langue ou rentre dans la tombe. Par la voix buccale. Sous pack incinéré, affiné dans sa vocale. Pareil que les conciles sont des héros, man. La sortie est volontaire au Mike 9-4 pyromane. Le pyromane est le fils du feu. Rentre au Mike, donc ça sent les coups de feu. Coups de feu. Toutes les voitures en fire, toutes les cellules en fire, fire. chaud aux femmes. Femme. Pour une photo, je fais trembler les portables et mes fans. Si, si. Fan, détends-toi, j'ai l'impression que ma présence met la pression. J'ai ce qu'il faut pour les dégonfler. Oublie les bombes, petit crevaison, viens pas me chercher. Je vais t'agresser, transpercer, dépresser, dégraisser, désourcer. Protège ta peau, mets de la crème, faut la caresser. T'inquiète de mal comme un chalumeau, ma voix fait fuir les aliments. On a beau gagner des millions, Jean-Pierre, ce n'est pas mon dernier mot. En sang, je les laisse, je les baisse. Ma rage, le sang, je les laisse, je les baisse. Ça les fesse, la BS qui me teste à distance. Je te dois avec l'index, la bosse et la tête. Plus rien ne me blesse, on a déjà tiré comme une arme te laisse. En cas de balle perdue, t'inquiète, il en reste un. Reste respectueux, même sous produit inflammatoire. J'embrasse des forêts d'MC, rêve de cramer des hectares de bâtards. Je suis l'émeute à moi tout seul, les 18 ne décrochent plus. Ils chient dessus, je suis la main, la bouteille, l'essence et le coup de tissu. Le pyromane est le fils du feu. Pyromane pour conclure cette deuxième partie de medley avec Rock J à l'instant. Gros classique, grosse session classique de Rof. Ouais. Mixé par Rock J. C'était lourd. Hein. C'était lourd et ça continue maintenant en live puisque. On n'a rien passé là, gros. Ouais, je sais, je me doute. Mais rendez-vous dans une semaine au Zénith de Paris. Et je disais par contre, pas de freestyle par téléphone ce soir parce qu'on a déjà pris pas mal de retard. On va écouter maintenant tout de suite la session live avec certifié par la street. C'est pas un groupe, mais c'est ton concept que t'as lancé. C'est des rappeurs que j'invite. Et qui seront présents aussi au Zénith. Qui viennent se mettre bien sur ma page Facebook. Commence à buzzer, lourd. Tranquille. Et bah, on peut attaquer maintenant? Peut-être bientôt votre tour, Inch'Allah. Messieurs, prenez la place, prenez les micros. C'est parti, c'est la session live dans Planète Rap avant de faire tourner la roulette au 41-759 sur Skyrock. Allez-y, installez-vous. C'est parti pour la session freestyle Rock J quand tu veux pour balancer les instrus. Ok, je présente. Certifié par la street. Ok, gros big up. La nouvelle frappe de Vitry sur scène. Il y a plein de frappes à Vitry sur scène. Mm-hmm. T'inquiète, ça vous allez avoir votre tour bientôt, Inch'Allah. Mais aujourd'hui c'est Mike Lucas, Vitry sur scène. Vitry sur scène. Gros remerciement à Rof pour la force. Vitry sur scène. Alors vous écoutez messieurs maintenant, c'est parti. Alcaïs, Bouzy, Nissa. Y'a du monde dans le studio ou pas? Ouais. Ça va faire business. Poto, je fais mon business. Business, business, busy, business. Et sans merde le reste. Déterminé, normal, donc j'arrive en bas. Au club français, péri, quelle grande blague. Yeah. Ligue de rime rechargée, donc je gambade. Nique sans merde le reste. Libère le flow que j'enferme. En attendant comme interne. Il est vrai que gagner sa vie c'est dur, mais c'est aussi très facile de la perdre. Après GPP d'armes, je saute sous les déterres pour aller pousser. L'argent te passera l'anneau à la cheville si tu cherches trop à les pousser. Le rap français fait de la peine, hypocrite, tous les coups de main seront lourds. Si l'erreur est humaine, je te dis que je suis plus aimant entre nous. Personne n'est jaune quand les fuckers appliquent. Déterminé pile ou t'as contre ta clique. Le business tombe comme le trou, mais aucun suicide peut stopper le trafic. Pas de valise de prix, ça te fait. Comme le peu portefeuille. Avoir une tombe qui porte mes soucis. Qu'une relève de bordelais. J'aime, je me la peine. Déterminé, allumé de la tête. Boto, l'état, allumé de la veste. Bref, j'ai une fumée dure, pas le calmer de la paix. Déterminé, normal, donc j'arrive en bas. Faut que le rap français pire et quelle grande blague. On est deux rimes rechargées, donc je gambade. Le studio, ça fait business, business. Tout le monde, je fais mon business. Business, business, business, business, business, business, business, business. Poto, je fais mon business. Business, business, business, business. Yeah, le rap français, quelle grande blague. Faites du bruit dans le studio. Au Zénith, le 11, faites du bruit l'équipe. Mike Lucas, Vitry, Evidence, Bouzy est là. Yeah. Mettre le feu. Sarcelle. Sarcelle 95. Yeah. C'est PLS. Certifié par la street. Bouzy. Ok. Par la street. On a beau cracher des vérités, ils diront toujours qu'on a tort. Marqué par la vie, on part d'en bas, mais sache qu'on perd pas le nord. J'écris tes textes seuls, t'aurais peut-être besoin de renfort. Tant que je serai toujours en vie, sache qu'ils auront toujours le nord. J'dépose mon flow, j'augmente la cadence. Lourd, normal que je m'en balance. Poto, je me prends pour Jackson. Depuis que les langues de pute mènent la danse, la richesse est dans le cœur. Fuck les voleurs, téléthon. Millionnaire en SNS, de temps que ces mecs me jugeront. J'élimine les faux, minimise mes paroles. De quoi que tu fasses, je serai devant toi. Raco, je rappe mes peines et mes joies. Pas la peine de marceler pour poser tes voix. Pose-toi, fais de la seule que je pose pas mon cul sur toi. Lâche des appels téléphoniques quand ils ont besoin de toi. J'vise le top et toutes tes copines. Crache des punches comme Poutine. Calcule même les centimes. Ma bite dans tes narines. Souplesse intelligente, la concurrence reste passive. J'ai de l'assurance, c'est à la massive. Depuis le temps qu'ils achètent en papier. Aïe aïe aïe. Yeah, Bozy, Sarcelle. Si, si. Yeah, Sarcelle, Bozy. Big up. Mike Lucas. Big up. CPLS, RWH2F. RWH2F. Yeah. Soyez là au Zénith. Certifié par la street. Certifié par la street. Yeah. Certifié par la street. Par la street. Par la street. Yeah. LKIS. LKIS. Yeah, yeah, yeah, yeah. C'est des N. Certifié 9-3. Yeah. Yeah, yeah, yeah, renvoie, renvoie, renvoie, DJ Rock, j'ai renvoie, renvoie, renvoie. Poula! Poula, poula, poula, poula, poula, poula, poula. Un. Yeah. Yeah. Pas besoin de citer les gros mots, tu connais nos villes à propos. On dit que t'as rhum à tout âge, prends le 9-3, c'est jamais trop tôt. Je t'écrase, esquive les traites, me mange de coco. Nique les gars, je préfère le poulet dans mon chicken go. Pas sous, c'est pas un 6 sous. Ce soir, tout le monde est mort sous. À un grand, c'est mon trahison, sous, on a failli finir en morceaux. Arrête ta malade, c'était pas d'aubert. Moi, je suis pas ton père. Mais faudrait plus de bulles sur nos chèques que sur nos naguères. Je tape un grec au pont, bondi. Avant de casser un tête avec un mec de la cour. Ma clavis va t'attacher mon t-shirt tout neuf. Ta gueule, oui, j'ai dit que sa mère, Willy, je vais sauver mes meufs. Mentalité, suce pas de bite, représente les mecs, mon immeuble. On trouve pas le roro dans les ordures, voit les bonhommes dans les coups durs. J'ai nous la haute couture, c'est nos points de suture. Réorienté à Aulnay, diplômé de l'école puissionnaire, devant CAP, soudure. Faut ton lève, ton troisième doigt, c'est bon, roulant en ouin, j'confume l'état. Certifié 9-3, certifié 9-3. S'en bat les couilles, la température de chez toi. Certifié 9-3, tu veux se comparer? En douille, en embrouille, en dépouille. Certifié 9-3. Une vue dangereuse, flashée. Sans assurance, carte grise, plaque immatriculée. Certifié 9-3. Certifié 9-3. Certifié 9-3. Certifié 9-3. Certifié 9-3. Certifié 9-3. Certifié 9-3. Certifié 9-3. CPLS, bro. Certifié par la street. Yeah. Validé par RWH2F, bro, ils sont tous là. Ok, gros big up hein, à Bozy, Mike Lucas, El Kaïs. T'inquiète, Amissa, ils sont là, ils déchirent ça. Ils vont venir, ils vont piller le Zénith aussi. Ils vont faire l'avant-première, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, ils ont la dalle. Et bientôt votre tour sur ma page Facebook. On va donner de la force à tout le monde, ne t'inquiète pas. Drancy, CDN, Sarcelle, Vitry. Ré. Session live à l'instant, donc certifié par la street. Voilà. En effet, tu le disais, on les retrouvera au Zénith de Paris le 11 avril, ouais, dans une semaine. Tu vois, c'est ça qui est, je trouve ça merveilleux, moi, tu vois. Le fait que tu vois des jeunes rappeurs comme ça qui déchirent. Ils ont tous entre 20 et 25, tu vois, bah. Bah, c'est bien aussi de continuer à donner la chance, à passer le relais aussi. Non, c'est le but du jeu. On va pas briller tout seul. On va faire briller les petits frères, t'inquiète. Voilà, le 11 avril. Et, tu vois, ils passent peut-être d'un concert à MJC. Ils ont pas fait de cigas, ils ont pas fait de Bataclan. Ils arrivent direct au Zénith. T'as compris ou pas? Et ils sont prêts. Et ils sont prêts. Ah ouais. 11 avril, c'est au Zénith de Paris le 19, au Zénith de Lille le 20 avril à Nantes, 25 avril à Lyon, le 26 avril à Strasbourg, 2 mai à Marseille, le 16 mai à Caen, le 28 mai au Zénith de Montpellier, le 30 mai aux arènes de Metz. Merci pour cette semaine en tout cas, Rof. Ouais, mais on joue un dernier morceau quand même. On va jouer un dernier morceau, on va faire tourner aussi la roulette. Quel morceau, on finit avec quoi? On finit avec quoi? Ouais, on voit Zga. Zga? Est-ce qu'on va faire du Zga aux Zénith? Eh ben Zga. Zga, Zga, Zga. Et juste après, on fera tourner la roulette. Zga, c'est maintenant sur Skyrock. C'est Rof dans une semaine, il est au Zénith de Paris. Et vous l'avez entendu, il y a une grosse aussi première partie. Ils sont. C'est parti. Fulek Empire. fête GA, on va faire du ska. Ska, ska, ska, ska, ska. Kaira, ça va faire des dégâts. Ska, ska, ska, ska, ska. Les videurs on s'égare, on a trop fait ska. Ska, ska, ska, ska, ska. Hella, que j'aille, j'fais ska. Ska, ska, ska, ska, ska. C'est la rosta, des rosta. J'suis dans le tunnel sous la hanche, le rosta. Sans moi le carré n'est pas vibre, casse-toi. Y'a de la weed, donc quoi défoncer un rasta. Là où j'passe, les soulettes ne repoussent pas. Ni les poils de ta chute, casse-toi. 10 ans d'avance, j'accélère. Le rap game n'a qu'un boss, tel un dromadaire. J'fais ce gars partout sur la planète Terre. Grosse équipe équipée, sale caractère. J'assume ce que je suis. Les M6 chient dessus, ta langue les essuie. C'est le bordel, molotov et le cocktail. J'remplis les cimetières, showcase, hall d'hôtel. Avion de chasse, compte plus mes heures de vol. J'attire les foules, j'ai encore. 7G1, on va faire du ska. Ska, ska, ska, ska, ska. Kaira, ça va faire des dégâts. Ska, ska, ska, ska, ska. Les videurs on s'égare, on a trop fait ska. Ska, ska, ska, ska, ska. Hella, où que j'aille, j'fais ska. Ska, ska, ska, ska, ska. Y'a des condés, on s'en bat les couilles. Tu nous connais, on était méga en pro. Y'a du gros boule, bouche en cul de boule. Elles font ce cas, demande à fitter les saules. Nas, la dana, joue pas le chroma avec elle, Ray. Théma, t'as bu qu'un verre de tes bouteilles. Ce soir, on va niquer ton birthday. Ce soir, on va niquer ton birthday. CG1, on va faire du ska. Ska, ska, ska, ska, ska. Kaira, ça va faire des dégâts. Ska, ska, ska, ska, ska. Les videurs, on s'égare, on a trop fait ska. Ska, ska, ska, ska, ska. Hella, où que j'aille, j'fais ska. Ska, ska, ska, ska, ska. C'est qui ce gars qui fait ska? T'as la Cosa Nostra, libido des Esca. Regarde l'Alaska, j'tue ça pour les frères. Sam, Sam, vodka, j'donne ça pour les sœurs. Décolleté ou burka, Ray, Vita Longa, Meuka, vodka. Tous donnent par les couilles, Hollande, Merka. ROH, le Seuf, Poutine, Babouchka. TLF, Medvedev, Lambert, Vesca. Ratatatata, 47 AK. Star Wars, Matu, flow de Chewbacca. C'était pas mieux avant, j'ai plus de classique que Roca. Spin 15 Roca, spin sur les Hotka. Un featuring, et je relance le RK. C'est qui domine Paris, y'a pas besoin d'aller au Troca. Trotter, Taiga, Club, Waka, Floka. L'hologramme de Tupac, Hells, Motherfucker. CG1, on va faire du ska. Ska, ska, ska, ska, ska. Kaira, ça va faire des dégâts. Ska, ska, ska, ska, ska. Les videurs, on s'égare, on a trop fait ska. Ska, ska, ska, ska, ska. Hella, où que j'aille, j'fais ska. Ska, ska, ska, ska, ska. En direct du danger. Ska, ska, ska, ska, ska. ROH de 7, encore fait ska. Ska, ska, ska, ska, ska. J'ai trouvé ska, j'ai trouvé ska, j'ai trouvé ska. Empire. On va faire ska au Zénith, 11 avril. Préparez-vous. À l'instant, Zga, pour conclure ce Planète Rap, merci Rof pour cette semaine. Ça va être le Zga, ça va être le bordel. C'est dans une semaine, vendredi prochain. Ah ouais, bon. Tu seras en train de monter sur scène, peut-être même un petit peu avant. Tu la sens comment toi, Fred? Bah, moi, je la sens super bien, cette tournée du PDRG Tour. Allez rendre visite à Rof, il passe près de chez vous. Et donc, dans une semaine, au Zénith de Paris, un gros, gros concert. La dernière fois, c'était 3h. Peut-être un peu plus, vendredi prochain. Non, je pense pas, je pense pas. D'accord. Bon, ce sera au minimum. Oh, pitié pour ceux qui doivent rentrer en métro, tu vois. Bon, bah, en tout cas, une grosse tournée à pas louper. Merci pour cette semaine. Ouais. Bonne tournée, bon concert. Merci. Merci à Rock J, merci à tous ceux qui étaient là aussi ce soir en live. Et avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette et ton DVD Hunger Games. Avec Room Meissa de Marseille, c'est ça? Oui, c'est ça. Et bah, bienvenue dans le Planète Rap dernier de Rof. Coucou à tous. Prête à faire tourner la roulette, on y va? Ouais, prête. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case. N'oublie pas qui est ton véritable ennemi. Hunger Games, l'embrasement. On t'envoie le DVD, le film, gros carton de l'année 2013. C'est pour toi, ça arrive bientôt du côté de Marseille. Aïe, merci beaucoup. Aïe, on te fait plein de bisous. Merci à vous aussi. Ciao et Loupa, Rof le 2 mai au Dôme de Marseille. Inch'Allah. Merci Rof. Marseille. Bon concert, merci à vous tous pour cette semaine dans Planète Rap. Attends, je vais quand même vas-y. Faire un petit big up, une petite pensée à Baldo de Sevran, Cité Basse, Narahmou, Inch'Allah pour toi le paradis et toute sa famille. Encore, voilà. Et bien une grosse dédicace à ses proches. Et merci à vous tous, merci à toi Rof pour ce gros Planète Rap cette semaine. Rendez-vous dans une semaine au Zénith de Paris. À pas louper. Ciao. Ciao. On va retrouver Difool maintenant, c'est parti, c'est la radio libre. Bah ouais, c'est la radio libre, yes, c'est parti. Fredo. Yes. Merci Fredo. De merci rien. Rof. Rof, donc la semaine prochaine, on offrira du distinct ce soir. On offrira des fringues distinctes. C'est une bonne idée. Eh ben on en a parlé, t'en parlais tout à l'heure là en plus. Oui, Fredo. Avec les fringues, les blousons, les t-shirts distincts. Eh ben ce sera pour vous, c'est la marque de Rof à gagner donc dans la radio libre ce soir. Ce soir jusqu'à minuit, toute l'équipe arrive. Bonjour Mano, bonjour Karim. Bonsoir. Bonjour Samy. Bonjour Momo. Et attention Fredo, la semaine prochaine dans Planète Rap, on en parle depuis un petit moment. MZ, la mafia The Trey, repérée par Zoxy et Mélophilo, des sages poètes de la rue. Oui. Vous allez pouvoir découvrir ce jeune groupe qui débarque tout droit du 13e arrondissement de Paris. J'ai eu plein de messages qui défilaient là depuis 2-3 jours là pour annoncer la MZ. Qu'est-ce que c'est la MZ? Ben vous découvrirez lundi. Dès lundi. Lundi dans Planète Rap, à pas louper. Et puis ce soir, la nocturne, à pas louper non plus, c'est juste après la radio libre aux alentours de minuit, minuit 10. Ouais, avec un mec du 9-2 qui s'appelle Cozy, qu'on avait découvert aux côtés de Youssoufai qui vole maintenant de ses propres ailes. Oh, c'est mignon. Et ben ouais, c'est mignon ça, dis donc. Ouais. Voilà, et ben ce sera tout à l'heure juste après vous. Juste après nous, 100% rap français. Si vous aimez le rap, si vous aimez le rap français, c'est tous les soirs. Tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs. Pas encore tous les soirs, tous les vendredis soirs. Profitez-en, c'est pour bien terminer le week-end, pour bien démarrer le week-end. Mm-hmm. Ça va pas du tout là, tiens. Et pour bien terminer la semaine, ben justement, pour bien démarrer le week-end et bien terminer la semaine, la radio. Tu es tellement pressé de nous retrouver. Oh, c'est tellement bon le vendredi soir. Hein. Profitez-en, appelez-nous. Hein. Vous débarquez ici en direct jusqu'à minuit, vous laissez vos messages. Et dans un instant, on est parti avec Mathieu. Premier son de la soirée, on écoutera Killink et Chris Brown. Très bien, bonne idée. C'est pas mal ça. Hein. C'est show me pour démarrer très très chaud ce vendredi soir. Merci Karim. À tout à l'heure, Fredo. Ciao. À tout à l'heure. À toutes. On se retrouve à minuit. Ciao. Ciao. Et Radio Libre, c'est parti.